l'arrière de nowhere. Swing mes soufflets, yeah. Yeah. On s'est tous habitués à rester fort, frère. Courage, force, honneur, respect dans le forfait. Et pas de confiance, non, j'attends plus que les masques tombent. Le temps, la chance, la plus précieuse, profite de chaque seconde. Décompresse, manque l'un peu. Je connais vite, je pars, tu connais le shit squat, frère, on décompresse comme on peut. Je crois que je me casse, oh, mais crois pas que je fume et que je rêve ma vie. Le but est d'aller, oh, sans perdre de vue la réalité. Moi j'ai vu trop de frères, accrois leur rêve, nos vies des pirouettes, mais le pire c'est qu'on est des accros, pas de merde, ouais. Je prends soin de ma mère quand d'autres pensent qu'un hiver d'une. J'ai appris que ça sert à rien d'avoir la mer, c'est l'hiver dur. Où je fais pas de bise illégale, vite clarisse, l'homme éclate. Je suis qu'un artiste, je me cannabis et je tape la bise à mes gars. Non, j'ai besoin de mes gens, dis pas que dans le rap je suis fort, je passe les chants. Frérot, je chante ce que vos voix chuchotent. Yeah. Alors j'ai crié pour me perdre. La musique c'est ma vie dans ses versets. Dire que petit on s'était dit qu'on irait percer. Maintenant des rêves avec la weed pour me percer. Mon rêve s'évader. Tourner de nouvelles pages. Au fond on sait pas qu'il y a rien qui nous sépare. Il faut qu'on se parle. Surtout qu'on s'écoute, frère. Car on sait ce qu'on coûte et qu'on sait que le temps s'écoule. Et quand on se sent mal, on se met bien des gosses létales. Pas de grosses mémoires, frère. On se sent bien dès qu'on se met mal. Dans ta tête c'est le QHS, rêve que le chivas t'emmène. La soirée s'annonce nulle à chier, mais t'y vas quand même. Et bien sûr comment. Qu'on est tous solides, frère, qu'on est tous solidaires. Mais au fond on est tous solidaires, ouais. La tête je me vide, j'ai un val et la perte jaune. Vu que depuis petit on fait que nous dire qu'faut parler à personne, eh. Donc on fait pas appel aux autres pour ce qu'on fait bien nous-mêmes. On parle de rien, on oublie tout, la mémoire devient nous-mêmes. On place des barres de rire, mais chacun ses remparts, ses barres de raison. Nos vies sociales remplacées par des réseaux. Y'a plus de bon sens, tout dans l'image, on se met à se noyer. On peut pas faire confiance à quelqu'un qui se ment à soi-même. Mental guerrière, je me bats pour pas que cette lettre soit la dernière. 21 ans, la vie devant moi, j'espère que la merde restera derrière. Yeah. Alors j'ai crié pour me perdre. La musique c'est ma vie dans ses versets. Dire que petit on s'était dit qu'on irait percer. Maintenant des rêves avec la weed pour me percer. Mon rêve s'évader. Tourner de nouvelles pages. Au fond on sait pas qu'il y a rien qui nous sépare. Il faut qu'on se parle. Surtout qu'on s'écoute, frère. Car on sait ce qu'on coûte et qu'on sait que le temps s'écoule. Et combien de fois on a rêvé que le temps se retardait. Et combien de fois on s'est passé devant sans se regarder. Je parle de clouer la rage avant sans objectif. Marre de tourner la page. Faut que je trouve la force de changer de livre. Quand c'est l'été, tous les soirs on sort, on se met la race. Quand c'est l'hiver, jamais on sort, non, on se met la race. J'parle de grosses doses, de boire, de souvenirs de nos visages. Que je rêve pas d'autre chose que de voir des sourires sur des visages. Yeah. Yeah. Yeah. Alors j'ai crié pour me perdre. Pas de la musique, c'est ma vie dans ses versets. Dire que petit on s'était dit qu'on irait percer. Maintenant des rêves avec la weed pour me percer. Mon rêve s'évader. Tourner de nouvelles pages. Au fond on sait pas qu'il y a rien qui nous sépare. Il faut qu'on se parle. Surtout qu'on s'écoute, frère. Car on sait ce qu'on coûte et qu'on sait que le temps s'écoule. Yeah.